T'es le roi des cons, au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord, hein. Un espèce de petit enculé de merdeux qui chie à sa race toute la journée. Oh, voilà ce que t'es, triple zoo, zoo. À cette biture, je m'en branle, je m'exerce, j'ai lentise, plus des pantoufles, je taffe l'écriture pendant que ces gays font les bandits sur les plans coupés. Mille offenses passent en petit frondeur, je triche autant que je crache, rien à branler, je tire au lance-flamme quand ils font preuve d'ignorance crasse. Y'a tout pour plaire, c'est trop de molov, mystère, je dissipe mes homologues, diversifie, se disent merci qui la bouche ouverte. Je fais tout sous perf, convalescent, les coups m'abusent, qu'on a chez champ, c'est le goût de la bride, remets-nous couvert, les coups de blues aide. Je vais brûler vif, j'ai vu les tricks, c'est les coupables aux ordres. C'est dur l'esquive, ils ont plus de bite, mais des coups de brachiosaur. Rictus d'ego, brise, tu les côtes de spacer. D'insulter de prose, ris plus c'est drôle si tu m'écho, je passe ces chiens sur mes côtes. Absinthe cul sec parce que je crois plus que la soif de vaincre hydrate. Atteinte tu sers, rageux, je rature, j'aboie à la fin mira. Célèbre l'histoire, j'ai la bite droite, balèze tes opiacés. Ils ont l'air d'y croire vers la victoire avec les os cassés. Mille fois où j'aurais pris la plume pour dire à vivre voix. Cause l'esprit monstère a plus la flamme au bout de ses torches ne pourra plus m'éclairer. Je reste femme à bout de ce fort, maintenant je peux plus me libérer. C'est pour ces mille fois où j'aurais pris la plume pour dire à vivre voix. Cause l'esprit monstère a plus la flamme au bout de ses torches ne pourra plus m'éclairer. Et femme et tous mes corches, maintenant je peux plus me les blairer. Monde à l'envers dans lequel on vit, donne de l'amour, on se lasse de toi. Je passerai l'hiver avalant le vide, affrontant toutes les vagues de froid qui s'empressent, qui s'emparent de quoi. J'ai pris les devants, ça part deux fois. Le temps si frais, je dirais qu'on peut rien faire à part le fuir. Un train de vie si faiblard, l'ambiance qui règne ici fait rage. Je crains d'ici le serrage, par si le train qui sifflait là. Si rare est le rire, cette partition qui s'y plaira. Je veux l'émotion, mais l'âme est vide, et rien ne m'en donne, excepté le rap. En permanence, en guerre, on mène la France dans ce Bronx, c'est ce qui l'entoure. Ouais, mais bon, dans le fond, qu'est-ce qu'on en court? On fait quoi d'autre à part se dire qu'on perd, qu'on gêne et crache Noël? Génère la crainte, tout ça nous mêle, nos crash est générationnel. Compte rendu fat, je suis qu'un garçon qui traîne sa larme. On a que du crade à faire du sale, crois pas que le soir m'apaisera l'âme. Vers la victoire, j'emprunte la route avec les os cassés. J'peine à y croire quand tout me pousse au fond des eaux glacées. Mille fois où j'aurais pris la plume pour dire à vivre voix. Cause l'esprit monstère a plus la flamme au bout de ses torches ne pourra plus m'éclairer. Je reste femme à bout de ce fort, maintenant je peux plus me libérer. C'est pour ces mille fois où j'aurais pris la plume pour dire à vivre voix. Cause l'esprit monstère a plus la flamme au bout de ses torches ne pourra plus m'éclairer. Et femme et tous mes corches, maintenant je peux plus me les blairer. C'est admissible, sans les tourments, je pourrais gratter 100 fois. C'est qu'admissible, sans les mauvais tournants, pour dégrader son foie. On prend des coups, mais debout, la vie c'est bang bang. Avis et belle belle, si on s'est pas noyé dans des coulées de boue. Pas le temps de triper, pas de s'en tripler, je patiente triplé. En quête d'une belle victoire, comprends pas sans tripler. Je suis les échecs, m'arrête-t-il, trop sanglant, tout j'ai ripé. Je les entends tous et ripé, mais les échecs m'arrête-t-il. Résiste ou navigue, décision cornélienne, des ports les hyènes. Les esquisses de la vie, je dessine encore les miennes. Où le cran t'as pas, tu prends ta claque, tu l'armes et manges tes chutes. Si la vie te prend ta part, on a le même ange déchu. Rêve de vie paisible, amour etc. Si la routine oppresse, la merde en terre et les excès terrasse. Ouais, on n'assure pas les OCK. Viens nager dans les profondeurs, à la surface des océans. Calme. Mille fois où j'aurais pris la plume pour dire à vivre voix. Cause l'esprit monstère a plus la flamme au bout de ses torches ne pourra plus m'éclairer. Je reste femme à bout de ce fort, maintenant je peux plus me libérer. C'est pour ces mille fois où j'aurais pris la plume pour dire à vivre voix. Cause l'esprit monstère a plus la flamme au bout de ses torches ne pourra plus m'éclairer. Et femme et tous mes corches, maintenant je peux plus me les blairer. C'est pour ces mille fois où j'aurais pris la plume pour dire à vivre voix. Cause l'esprit monstère a plus la flamme au bout de ses torches ne pourra plus m'éclairer. Et femme et tous mes corches, maintenant je peux plus me les blairer. C'est pour ces mille fois où j'aurais pris la plume pour dire à vivre voix. Cause l'esprit monstère a plus la flamme au bout de ses torches ne pourra plus m'éclairer. Et femme et tous mes corches, maintenant je peux plus me les blairer.